Acheter se dit kaufen. Kaufen. Et vendre, c'est verkaufen. Verkaufen. On ajoute devant kaufen le petit mot faire, le préfixe ou la particule faire. V-E-R. Faire. Il y a deux sortes de particules en allemand, celles qui sont séparables et celles qui ne le sont pas. Si à l'oral vous entendez qu'on insiste sur la particule, cela signifie qu'elle est suffisamment forte, suffisamment autonome pour se détacher et aller se placer à la fin de la phrase. Par exemple, aller se dit gehen, mais s'en aller c'est weggehen. Weggehen. À l'oral, vous insistez sur weg, donc je m'en vais se dira ich gehe weg. Ich gehe weg. Tout à fait. Aller, c'est gehen, et en arrière, c'est zurück. Zurück. Der Rücken, c'est le dos. Mein Rücken, mon dos. Et donc, zurück signifie en arrière. Alors, pour dire reculer, c'est-à-dire aller en arrière, on dira zurück gehen. Zurück gehen. Oui, ça s'écrit en un seul mot, zurückgehen, où zurück est le préfixe. Et maintenant, sachant que venir se dit kommen, comment diriez-vous venir en arrière, c'est-à-dire revenir? Zurückkommen. Zurückkommen, c'est revenir, oui. Il revient bientôt se dira zurückkommt bald. Attention, j'ai dit zurückkommen, en insistant sur zurück. Donc la particule se détache du verbe et va à la fin de la phrase, tout comme weg dans weggehen, qui donnait ich gehe weg. Alors, comment diriez-vous il revient bientôt? Kommt bald zurück. Kommt bald zurück. Et comment diriez-vous il reviendra bientôt? Il va bientôt revenir. Wird bien. Wird bald zurückkommen. Oui. Wird bald zurückkommen. En effet, lorsqu'on a un verbe sous cette forme, donc à l'infinitif, la particule reste à sa place habituelle, accolée au début du mot. Elle ne se sépare pas. Revenons à verkaufen, vendre. On ne dit pas verkaufen, mais bien verkaufen. Donc, verkaufen n'est pas un verbe à particule séparable. C'est-à-dire que la particule ver n'est pas assez forte pour se séparer du verbe et y reste donc attachée. C'est pourquoi on traduira « je vends cela » par « ich ». Ich verkaufe es. Ver n'est pas un préfixe séparable, donc à l'oral, il ne faut pas insister dessus. Ich verkaufe es. Bien. Ich verkaufe es. Je vends cela. Ich verkaufe es. Pour plonger dans le passé des verbes comme verkaufen, qui possèdent un préfixe non séparable, on n'ajoute pas ge au début. Donc, quand on plongeait dans le passé du verbe kaufen, ça donnait gekauft. Tandis que pour verkaufen, ça donne verkauft. C'est la même forme que celle employée avec er, sie et es. Alors, comment diriez-vous « j'ai vendu cela » ? Ich habe es verkauft. Verkauft. Verkauft. Ich habe es verkauft. Oui. Et « il a vendu cela », ça donnera donc ? Hat es verkauft. Hat es verkauft. Oui. Comment diriez-vous « il n'a pas encore vendu cela » ? Hat es noch nicht verkauft. Hat es noch nicht verkauft. Nous avons vendu cela. Wir haben es verkauft. Verkauft, oui. Wir haben es verkauft. Et comment direz-vous, en vous adressant à quelqu'un que vous vous voyez, vous avez vendu cela? Sie haben es verkauft. Sie haben es verkauft. Ils ou elles ont vendu cela? Sie haben es verkauft. Bien. Ils ou elles ont vendu cela? Sie haben es verkauft. Et comment diriez-vous tu as vendu cela? Du hast es verkauft. Du hast es verkauft. Pourquoi as-tu vendu cela? Warum hast du es verkauft? Warum hast du es verkauft? Comment diriez-vous pourquoi n'avez-vous pas vendu cela? Warum haben Sie es nicht verkauft? Bien. Warum haben Sie es nicht verkauft? Et pourquoi n'avez-vous pas encore vendu cela? Warum haben Sie es noch nicht verkauft? Bien. Warum haben Sie es noch nicht verkauft?